France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Marthe Gauthier, la découvreuse oubliée. Il aura fallu plus de 50 ans pour qu'enfin soit reconnu son rôle dans la découverte du chromosome surnuméraire provoquant la trisomie 21. Marthe Gauthier nous a quittés le 30 avril dernier. Les dernières années de sa vie ont été celles de la réhabilitation tardive après de terribles batailles pour que son mérite soit reconnu. Dans les années 60, le professeur Raymond Turpin réunit tout un faisceau d'indices laissant penser que le syndrome de Down, aussi appelé mongolisme à l'époque, a une origine génétique. Mais pour vérifier cette hypothèse, il faudrait qu'une personne en France maîtrise la culture cellulaire. Or, la jeune Marthe, fraîchement débarquée dans son service, l'a apprise durant son année passée aux États-Unis. Parfait. Sauf qu'en s'employant à tester l'hypothèse de Raymond Turpin, elle ne se doute pas qu'elle va devenir le symbole d'un mal qui frappe le monde de la recherche, l'effacement des femmes au profit d'hommes qui récoltent tous les lauriers. Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Collet, informaticienne et sociologue à la section des sciences de l'éducation de l'Université Genève, autrice de l'ouvrage intitulé « Les oubliés du numérique » aux éditions Le Passeur. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. J'ai eu tellement de problèmes dans ma vie avec la Fondation Le Jeune, avec Le Jeune et la Fondation Le Jeune, j'en ai tellement souffert que ça a été pour moi quelque chose de très important dans ma vie. C'est pourquoi j'ai aussi préféré choisir autre chose après que les chromosomes. Le dégoût. Au crépuscule de sa vie, ce mot a été plus d'une fois prononcé par Marthe Gauthier lors des interviews qu'elle donnait. Un sentiment qui traduisait les épreuves traversées. Les conditions de travail qui ont mené à sa découverte, l'appropriation de cette découverte par un confrère ambitieux, puis les poursuites, 50 ans plus tard, à coups d'huissier pour l'empêcher de donner une conférence. Autant d'épisodes qui ont contribué à ce sentiment d'indignation persistant, mais qui surtout ont fait de Marthe Gauthier l'emblème de l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est une théorie développée par l'historienne des sciences Margaret Rossiter dans les années 80. Elle remarque que les femmes scientifiques profitent moins des retombées de leurs recherches et peuvent même être effacées de l'histoire. C'est le cas de la biologiste Rosalind Franklin, considérée comme la pionnière de la biologie moléculaire. Elle découvre la structure en double hélice de l'ADN, mais ce sont trois hommes qui recevront le prix Nobel de médecine en 1962. Ou encore, qui sait le rôle joué par Milva Einstein, la femme d'Albert, dans la mise en place de la théorie de la relativité? Les courriers entre les deux ont permis de comprendre, des années plus tard, le rôle primordial qu'elle a joué. Eh bien, Marthe Gauthier était victime du même effet. Elle a permis à la recherche française d'être à l'origine de la découverte du chromosome surnuméraire de la trisomie 21. Et pourtant, ce n'est pas elle qui a reçu la plus d'honneur. Il faut dire qu'à cette époque, la jeune médecin n'a ni le réseau, ni les codes du milieu médical. Jusque-là, son univers, c'était la ferme de ses parents, Seine-et-Marne, les animaux, le grand air. Mais à la tête de cette famille, il y a une mère qui a de l'ambition pour ses enfants. Comme nous raconte Corinne Royer, autrice d'un livre inspiré de l'histoire de Marthe Gauthier. Ils sont 7 enfants dans cette famille d'agriculteurs. Il y a une maman un peu... Le mot est peut-être exagéré, mais un peu féministe, qui veut absolument que ses filles soient autonomes, aient une réussite sociale. Et donc, elle va pousser ses filles à faire des études. Et Marthe Gauthier va aller en pensionnat pour ses études secondaires à Lille. Elle va avoir son bac avec mention. Et après, en 1942, elle va rejoindre sa sœur aînée, sa sœur Paulette, qui est partie faire médecine à Paris. Donc elle va la rejoindre et malheureusement, en 1944, Paulette est tuée par une balle perdue. Avant de mourir, Paulette, sa mentor dans cette nouvelle vie parisienne, l'a prévenue. Tu sais, quand on est une femme, qu'on n'est pas fille de patron, il faut être deux fois meilleur pour réussir. elle ne savait pas à quel point ses paroles étaient prophétiques. La jeune Marthe passe brillamment à l'internat des hôpitaux de Paris. Elles sont deux femmes sur une promotion de 80 élèves. Pour Marthe, ce sera la cardiopédiatrie. Elle entame son apprentissage clinique sous la houlette du professeur Robert Debray, père de la pédiatrie moderne. 4 années intenses jusqu'à sa thèse qui permettent au professeur de remarquer les qualités de cette brillante médecin en devenir. Il propose donc son nom avec 2 autres collègues masculins pour une bourse d'études d'un an aux États-Unis, à Harvard. Ces 3-là sont les premiers internes des hôpitaux de Paris à bénéficier de la formule. En septembre 1955, Marthe laisse amis, amour et famille à Paris, monte à bord du train direction Le Havre avec ses 2 collègues pour faire la traversée en bateau. Oui, l'avion est trop cher pour les boursiers. Après 5 jours en mer, les gratte-ciels de New York apparaissent enfin. Et c'est parti pour une année dédiée à acquérir des connaissances dans les domaines de pointe de la cardiologie pédiatrique. Mais à son arrivée, elle découvre que son contrat comprend un mi-temps de technicienne dans un laboratoire de culture cellulaire. Cette technique, qui consiste à faire croître des cellules hors de leur organisme, est encore méconnue en France. Aux côtés de la technicienne de laboratoire qui lui transmet son savoir, la Française assimile rapidement la méthode. Elle remplace même sa collègue à la tête du labo pendant son congé maternité. Bref, une année riche qui la marque. Mais le retour à Paris est brutal. Le poste de chef de clinique qui lui avait été promis dans le service de Robert Debray a été attribué à l'un de ses collègues. Mais bon, il en reste un à l'hôpital Trousseau, dans le service du pédiatre et généticien Raymond Turpin. Ce professeur s'intéresse à ce que l'on appelle encore les Mongoliens, les enfants atteints du syndrome de Down. Turpin a réuni tout un faisceau d'indices qui semble montrer que ce syndrome est d'origine génétique. Quand on étudiait, comme je l'ai fait à cette époque déjà lointaine, aux environs de 1930, avec mon élève Caratsali, quand on étudiait ces malades et leurs familles, l'on se rendait compte que véritablement la maladie était certainement en rapport avec une anomalie de l'appareil héréditaire. Il est par exemple un fait qui prouvait le bien fondé de cette conception, c'est que lorsque l'on étudiait la répartition de la maladie, la trisomie 21 ou mongolisme, parmi les jumeaux, quand il s'agissait de jumeaux vrais, les 2 partenaires étaient atteints. Quand il s'agissait de jumeaux faux, c'est-à-dire dérivés l'un et l'autre d'un œuf différent, il n'y avait qu'un seul mongolien alors que l'autre sujet ne l'était pas. Mais en science, rien ne vaut la preuve par la démonstration. Il faut donc trouver le mécanisme chromosomique qui provoque cette maladie. Et justement, 2 chercheurs suédois viennent d'annoncer au premier congrès international de génétique à Copenhague que l'espèce humaine compte 46 chromosomes. Ils ont mis au point une technique de culture cellulaire qui permet d'obtenir des cellules en division, dans lesquelles les chromosomes ne se superposent pas et sont donc faciles à compter. En rentrant du congrès, le professeur Turpin annonce la nouvelle. Il entrevoit la possibilité de tester son hypothèse, comme le raconte l'autrice Corinne Royer. Le professeur Turpin a toujours cette intuition par rapport aux chromosomes. Et il dit quand même, il faudrait qu'on arrive à savoir si le mongolisme est vraiment une histoire de chromosomes ou pas. Mais pour ça, il faudrait savoir faire de la culture cellulaire. Là, tout le monde se tait parce que personne en France, à l'époque, ne sait faire de culture cellulaire. Et au milieu de tout le personnel du service, il y a un petit bout de bonne femme qui lève la main, donc il s'agit de Marthe Gauthier, et qui dit, mais si, professeur, moi, je sais faire de la culture cellulaire. Du haut de ses 31 ans, la jeune femme est accueillie par une moue sceptique. Mais elle ajoute, si vous me trouvez un local, je m'en charge. Le professeur Turpin accepte et lui déniche un ancien laboratoire appartenant à l'assistance publique. La jeune chef de clinique, dont l'emploi du temps comprend des après-midi libres, décide de les consacrer à la recherche. Et c'est dans un total dénuement qu'elle entame ce projet ambitieux. Seule entre ses 4 murs, accompagnée en tout et pour tout d'une centrifugeuse, d'une étuve et d'un vieux microscope datant des années 20, abandonné sous la poussière des étagères. La France n'est pas encore totalement remise de la guerre. Les services hospitaliers sont en pleine restructuration. La recherche est une activité encore rare chez les médecins à l'époque. Aucun crédit de fonctionnement ne lui est proposé. C'est à elle d'improviser pour s'approvisionner. La jeune femme, qui se lance bénévolement dans ce travail, contracte elle-même un emprunt de 100 000 anciens francs pour acheter la verrerie et un appareil à eau distillée pour un coût de 2 200 euros actuels. Elle doit ensuite se procurer les matières qui permettront de faire de la culture de cellules. Voici la liste des courses. Il faut du plasma de coque pour immobiliser les fragments de cellules sur les lamelles de verre. Elle prend sa 4 chevaux et va en acheter dans une ferme. Il faut des embryons frais pour nourrir les cellules. Elle traverse Paris régulièrement pour les trouver. Elle a besoin de sérum de veau embryonnaire impossible à prélever dans les abattoirs. Elle le remplace par du sérum humain, le sien. Autrement dit, elle se prélève du sang régulièrement pour fabriquer son sérum. Un procédé économique et sûr, dira-t-elle. Bien, l'expérience peut maintenant commencer. Marthe Gauthier vérifie d'abord que sa technique fonctionne en la testant sur des cellules d'enfants non touchées par la maladie. Et même si son vieux microscope n'est pas très net, elle trouve bien, comme ses collègues suédois, 46 chromosomes. La voilà prête à attaquer l'étape maintenant la plus importante, un test sur des cellules provenant d'enfants atteints, eux, du syndrome de Down. Et cette fois, le décompte est différent. À chaque fois, elle dénombre 47 chromosomes. Ça veut bien dire que la paire numéro 21 est un trio. L'hypothèse du professeur Turpin était donc la bonne, la trisomie 21 donc, et bien une anomalie chromosomique. Cette découverte va aussi permettre de reléguer ce terme inapproprié que le mongolisme pour le remplacer par le nom trisomie 21. Et tout d'abord, docteur, voulez-vous nous dire quelle technique avez-vous mise au point pour cette étude des chromosomes ? L'hypothèse d'une aberration chromosomique dans cette anomalie nous paraissant donc assez vraisemblable, il nous a semblé nécessaire d'examiner les chromosomes des cellules somatiques des Mongoliens. Votre technique d'examen doit être assez délicate, puisqu'avant 1956, les anciens auteurs avaient compté 48 chromosomes au lieu de 46 qu'on compte actuellement. En effet, dans des préparations imparfaites, les chromosomes se cassent parfois en deux et l'on risque alors d'en compter un peu plus qu'il n'y en a réellement. Et grâce à quelle technique avez-vous réussi à vaincre ces difficultés d'examen ? La technique de préparation des chromosomes consiste à prendre un fragment de tissu aseptiquement, à l'élever dans un milieu de culture approprié, directement sur la lamelle microscopique, de telle façon que les cellules forment une couche uniforme sur cette lamelle. Les petits bâtonnets que sont les chromosomes ont, à l'état naturel, une fâcheuse tendance à s'agglutiner les uns sur les autres, un peu comme les brins d'une boule de paille. Aussi, pour les distinguer, doit-on les disperser à l'aide d'un choc hypotonique qui fait gonfler la cellule et le noyau et les sépare ainsi les uns des autres. Mais qu'est donc cet homme qui décrit avec une grande érudition l'expérience réalisée par Marthe Gauthier comme si c'était la sienne ? Non, ce n'est pas Raymond Turpin, son chef de service. C'est Jérôme Lejeune, un autre élève du professeur qui travaille aussi sur le syndrome de Down depuis 1952. Mais lui étudiait les empreintes digitales des personnes atteintes du syndrome. Et peu à peu, il suit la trace de sa consoeur. Plus elle avance dans ses travaux, plus il lui rend visite dans son petit laboratoire, parce qu'il comprend que la jeune femme est sur la bonne voie. De son côté, le professeur Turpin ne se déplace jamais. Il envoie régulièrement son assistant, Jacques Lafourcade. Au départ, l'homme se montre plutôt sceptique. Il ne croit pas vraiment à l'éventualité d'une réussite de l'expérience, vu les conditions précaires avec lesquelles la chercheuse doit composer. Non, c'est Jérôme Lejeune qui va comprendre l'importance des travaux de Marthe Gauthier. Lorsqu'enfin la jeune femme parvient à dénombrer les chromosomes d'enfants atteints du syndrome de Down, il lui reste une étape à franchir. Son microscope n'est pas assez puissant et il faudra un appareil plus moderne pour pouvoir prendre des photos des 47 chromosomes. Alors Jérôme Lejeune lui propose de l'aide. Il a justement un déplacement prévu dans un laboratoire équipé d'un photomicroscope. Marthe Gauthier lui confie ses lames d'observation microscopique. Nous sommes en mai 1958. Et là, elle s'attend à un retour rapide de la part de son confrère pour entamer la rédaction d'une publication. Mais rien, non, rien ne se passe. La jeune femme ne voit pas les photos. Elles sont, lui dit-on, chez le patron, Raymond Turpin, qui se montre peu communicatif. L'été passe, la jeune médecin est désormais en charge à mi-temps le service de crèche des cardiopathies congénitales de l'hôpital Béclair, et elle développe en même temps sa patientèle privée. Ses journées sont déjà bien chargées. Dans l'article qu'elle publie pour le cinquantenaire de la découverte de la trisomie 21, publié en 2009 dans la revue Médecine Science, elle raconte son trouble lors de cette période. Je suis consciente de ce qui se dessine sournoisement, mais n'ai pas assez l'expérience ni d'autorité dans ce milieu médical dont je n'ai pas encore compris les mécanismes pour savoir comment m'y confronter. Trop jeune, je ne connais pas les règles du jeu. Tenue à l'écart, je ne sais pourquoi l'on ne publie pas tout de suite. Je n'ai compris que plus tard que Jérôme le Jeune, inquiet et n'ayant pas l'expérience des cultures, craignait un artefact qui aurait brisé sa carrière, jusque-là assez peu brillante, mais qui, si les résultats étaient avérés, s'annonçait soudain génial. Je soupçonne des manœuvres politiques. Je n'avais pas tort. Alors, à la confirmation de son pressentiment à l'automne suivant, au mois d'octobre 1958, Jérôme Lejeune participe à un séminaire de génétique au Canada. Il doit y présenter ses travaux sur l'effet mutagène des rayons ionisants. Mais il profite de cette expo pour présenter en son nom la découverte de sa consœur. Ce n'était pas du tout prévu, ni avec le professeur Turpin, et encore moins bien sûr avec Marthe Gauthier. C'est toujours qu'un faux départ, sans changement d'adresse. J'ai beau vider le placard, je retourne. C'est que le trop reste. Pourtant, tous les soirs, je fais semblant de croire au jeu de rôle sans démon de notre longue histoire. Si tu cherches la bagarre, sache que rien n'empresse. C'est un peu tôt ou trop tard pour faire des politesses, mais. Alors que Marthe Gauthier est déjà partie renouer avec la cardiopédiatrie, Jérôme Lejeune travaille toujours dans le service des professeurs Turpin, à Trousseau. Et il suit de près les avancées des autres équipes à travers le monde. Alors lorsqu'il apprend que les travaux d'une consoeur, Patricia Jacobs, sont sur le point d'être publiés, il réagit au quart de tour. La généticienne écossaise a trouvé un chromosome surnuméraire pour un autre trouble, le syndrome de Kniefelter. Publier devient donc urgent pour les Français. Nous sommes en janvier 1959 et Marthe Gauthier n'a toujours pas eu les photos entre les mains. Un article va donc sortir sans qu'elle les ait vues et sans qu'elle écrive elle-même une seule ligne sur sa propre découverte. Dans la précipitation, le jeune va juste lui dire au téléphone l'article qu'il a écrit un samedi matin. Il lui donc. Il veut le présenter à la revue de l'Académie des sciences dès le lundi suivant. Parce que c'est une spécificité française à cette époque. Alors que les autres revues scientifiques internationales demandent un temps de lecture des articles par un comité, ce qui peut prendre 2 mois, voire plus, il existe en France une revue dans laquelle les comptes rendus des travaux peuvent être publiés en 3 jours. C'est ce procédé qui permet de griller la politesse à la consoeur écossaise. Le 26 janvier 1959 paraît enfin l'article intitulé « Les chromosomes humains en culture de tissu ». Le texte est co-signé dans l'ordre par Jérôme Lejeune, Marie Gauthier et Raymond Turpin. En réalité, le nom de Marthe Gauthier, et non pas Marie justement, mal orthographié, aurait pu paraître en premier, car l'usage veut que le chercheur qui a imaginé et réalisé les manipulations bénéficie de cette position. La seconde place, elle, est réservée au chercheur qui a contribué sans jouer un rôle essentiel, et le troisième est souvent le chef de service, ici Raymond Turpin, qui est à l'origine de l'hypothèse de départ. En se plaçant en premier, Jérôme Lejeune, c'est clair, s'attribue et encore une fois la paternité de la découverte. Marthe Gauthier est déjà loin, occupée à d'autres tâches, quand son ambitieux collègue répond aux sollicitations des journalistes français et étrangers. Cette découverte permet à Jérôme Lejeune de propulser sa carrière. Il passe de stagiaire au CNRS dans le service du professeur Turpin à celui de maître de recherche médaillé d'or. Turpin ira même jusqu'à créer un poste de professeur de cytogénétique pour son protégé, alors que Jérôme Lejeune n'en a pas suivi le cursus universitaire. Mais un article prévoit ce cas de figure. Oui, un chercheur peut être nommé professeur à condition d'avoir fait une grande découverte. Alors Turpin s'engouffre dans la brèche. Le docteur Jérôme Lejeune vient de voir ses recherches couronnées par un prix, le prix de la Fondation américaine Joseph Kennedy. Le docteur Jérôme Lejeune est maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et chef du laboratoire des maladies héréditaires à l'hôpital Trousseau. Depuis plusieurs années, il s'est penché surtout sur le problème du mongolisme. Aujourd'hui, il s'entretient de cela avec Germaine Bartoli. Mais tout d'abord, à notre consoeur, il a dit ce qu'était le prix Joseph Kennedy. La Fondation Kennedy est destinée, dans l'esprit de ses fondateurs, à aider les enfants débiles mentaux. Et jusqu'ici, la Fondation Kennedy distribuait une aide aux organismes qui rééduquent les débiles mentaux. C'est la première fois qu'elle a décidé de s'intéresser aussi à la recherche et d'une part d'aider les chercheurs en accordant une énorme subvention à leur laboratoire et d'autre part de leur accorder des prix personnels. Donc vous avez reçu ce prix, mais l'ensemble de votre service dirigé par le professeur Turpin a reçu lui-même une attribution. Effectivement, le président Kennedy m'a remis 2 chèques dont l'un est destiné à subventionner les recherches de l'Institut de Progenèse. Et l'autre chèque est destiné à récompenser le découvreur de la trisomie 21. Alors sans sourciller, Jérôme Lejeune empoche la coquette somme de 200 000 nouveaux francs. À 36 ans, il est considéré comme l'étoile montante de la génétique. Marthe Gauthier, parti vers de nouveaux horizons, dira sobrement des années plus tard: je n'ai gardé aucun souvenir agréable de cette période, tant je me suis senti floué à tous égards. Les années passent, le médecin consacre sa vie professionnelle à l'étude de différentes anomalies congénitales chez les nourrissons et les enfants. Et ses travaux nécessitent toujours l'utilisation de la culture cellulaire dans des locaux désormais à la hauteur des enjeux. De son côté, le professeur Lejeune est en proie à de sérieux dilemmes qui n'ont rien à voir avec Marthe Gauthier. Il a fini par comprendre que cette découverte pouvait servir à dépister la trisomie 21 in utero. Or, l'homme, fervent catholique, est un farouche opposant à l'avortement. Il refuse l'idée que les femmes puissent choisir d'interrompre leur grossesse en s'appuyant sur ces dépistages. Et il va jusqu'à réunir les responsables des services de cytogénétique en France pour les sommer de ne pas pratiquer ce dépistage. Dans les années 70, ces croisades contre la contraception et l'avortement font une figure de plus en plus contestée politiquement. Le professeur Raymond Turpin, lui, meurt en 1988. Dans cette confiscation de sa découverte, Marthe Gauthier ne saura jamais quel rôle a joué celui qu'elle appelait le patron. Elle le soupçonne d'avoir surtout eu la volonté de pousser celui qu'il souhaitait voir prendre sa suite. Puis en 1994, c'est Jérôme Lejeune qui meurt, à l'âge de 67 ans. 2 ans plus tard, ses héritiers créent la Fondation Jérôme Lejeune, destinée à financer les recherches sur les maladies génétiques de l'intelligence. Cette fondation, ultra-conservatrice, s'illustre par des prises de position contre la recherche sur les embryons et le droit à l'avortement. C'est elle aussi, par l'intermédiaire de certains de ses membres, qui en 2007 va déposer au Vatican un dossier en vue de la béatification de Jérôme Lejeune. Cette histoire met hors d'elle une autre chercheuse, l'écossaise Patricia Jacobs, qui n'a rien oublié elle non plus de l'épisode. La généticienne prend alors sa plume et écrit au pape pour l'informer que Lejeune s'est au moins à 2 reprises présenté publiquement comme le seul découvreur de la trisomie 21. Elle n'est pas la seule scientifique à prendre la plume. En Grande-Bretagne, comme en France, plusieurs médecins catholiques préviennent leur évêque du problème. C'est ainsi que Marthe Gauthier se trouve convoquée à l'évêché de Paris pour déposer devant la commission qui instruit le procès en béatification. Commence alors une bataille âpre entre une femme qui entrevoit la possibilité de réhabiliter son travail et la Fondation Jérôme Lejeune, prête à tout pour défendre celui dont elle porte le nom. Une découverte est toujours le fruit d'un travail d'équipe. Hein. C'est sûr que Jérôme Lejeune, tout seul sur une île déserte, n'aurait rien trouvé, ça on est bien d'accord. Ce trio. Mais il faut un travail d'équipe, bien sûr. Si Raymond Turpin lui avait pas proposé de venir travailler là, si Raymond Turpin lui avait pas confié les enfants mongoliens, s'il y avait pas eu déjà plein de recherches faites sur lesquelles Jérôme Lejeune s'est appuyé pour avancer, mais bien sûr, mais... Personne ne fait jamais une découverte tout seul comme ça, Deus ex machina, ça n'existe pas. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est la part de chacun. Marthe Gauthier a apporté cette technique des États-Unis, c'est ce qu'elle dit, et ce qui lui a été toujours reconnu, c'est ce qui a été dit partout. Dans tous les textes, d'ailleurs, c'est intéressant, dans tous les textes de Jérôme Lejeune, quand il parle de cette découverte, dans la leçon inaugurale, dans sa thèse, dans tous les articles, il remercie longuement Marthe Gauthier pour l'apport de la technique. Mais Marthe Gauthier n'a pas inventé cette technique. Vous voyez, ce serait, elle a rapporté des États-Unis cette technique très précieuse, géniale, ça va lui permettre d'avancer. Et Turpin lui donne les moyens d'avancer, l'encourage, il lui dit OK, on publie. Voilà. Mais là, l'étincelle, c'est Jérôme Lejeune. L'étincelle, comme le dit Aude Digas, la biographie de Jérôme Lejeune, suffit-elle à faire de lui le découvreur de la trisomie 21? Pour Marthe Gauthier, la réponse est non. Même les héritiers de Raymond Turpin commencent à sérieusement s'agacer de la situation, au point de s'en émouvoir juridiquement par voie d'avocat. La Fondation doit arrêter de présenter Jérôme Lejeune comme le seul découvreur de ce chromosome surnuméraire. En 2009, l'année du cinquantenaire de la découverte, encouragée par d'autres chercheurs, Marthe Gauthier prend la plume. Elle raconte son histoire dans le détail, dans la revue Médecine Science. C'est étonnement, la recherche des bons produits et des matières nécessaires, tout y est. La réhabilitation est en marche, la découvreuse oubliée fait l'objet de quelques articles qui reprennent son histoire. Mais la Fondation Jérôme Lejeune ne lâche rien, au point de créer un incident majeur en 2014. Le 31 janvier, Marthe Gauthier est invitée à tenir une conférence intitulée « Découverte de la trisomie 21 » lors des assises de la génétique médicale humaine à Bordeaux. C'est une rencontre internationale d'envergure, où seront présents un parterre de généticiens venus du monde entier. À cette occasion, les membres de la Société française de génétique humaine ont choisi à l'unanimité de lui décerner son grand prix. Cette conférence devait être une sorte de réparation symbolique d'une injustice vieille d'un demi-siècle. Elle n'aura pas lieu, figurez-vous, car le matin même, 2 huissiers mandatés par la Fondation Jérôme Lejeune se présentent à la conférence. Ils apportent une ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux, les autorisant à enregistrer le congrès. Pourquoi ? Pour récolter des preuves en vue d'une éventuelle poursuite en diffamation. Les organisateurs craignent en effet les retombées de cet épisode et décident tout bonnement d'annuler la conférence de Marthe Gauthier. Et lorsqu'elle demande si elle peut tout de même se glisser dans la salle pour écouter au moins les autres interventions, l'organisateur refuse. Au parterre de 1500 généticiens présents, on annonce que la vieille dame est souffrante. C'est vraiment un événement, dans toutes les conversations qu'on a eues, je crois que peut-être que ce reniement-là, à ce moment-là, à 88 ans, au moment où elle pensait enfin voir arriver une certaine forme de reconnaissance, moi j'ai toujours ressenti que c'était pour elle un choc encore plus terrible et quelque chose de plus traumatisant que le vol de la Découverte en 1959. Je crois que vraiment cet événement de Bordeaux est quelque chose qui l'a profondément blessée. Heureusement, face à la controverse qui s'est installée depuis 2009, un collectif d'une dizaine de chercheurs en génétique avait saisi l'INSERM un an plus tôt. L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale doit donc se prononcer sur la contribution de Marthe Gauthier dans la découverte de la trisomie 21. La démarche est rare. Et elle va aboutir à un avis sans appel en septembre 2014, quelques mois après l'épisode de la conférence. Vu le contexte à l'époque de la découverte du chromosome surnuméraire, la part de Jérôme Lejeune dans celle-ci a peu de chances d'avoir été prépondérante, sauf à ne pas porter crédit à la formation des personnes, ici Marthe Gauthier, dans l'acquisition d'une expertise, ici la culture cellulaire, a fortiori quand associée à un séjour hors de France, ici aux États-Unis. La découverte de la trisomie n'ayant pu être faite sans les contributions essentielles de Raymond Turpin et Marthe Gauthier, il est regrettable que leur nom n'ait pas été systématiquement associé à cette découverte, tant dans la communication que dans l'attribution de divers honneurs. La vie reconnaît toutefois à Jérôme Lejeune une part significative dans la mise en valeur de la découverte au plan international. En gros, il a assuré la com. En retour, la Fondation se fend d'un droit de réponse dans lequel elle fustige Marthe Gauthier, l'accusant de faire preuve de manque de mémoire ou d'ingratitude. Aujourd'hui encore, cette fondation se borne à considérer, je la cite, que l'apport de la technique de culture cellulaire ne constitue pas l'essence de la découverte. Quoi qu'il en soit, cette guerre aura été catastrophique pour l'image de la fondation déjà entachée par ses nombreuses prises de position conservatrices. Toutefois, sur son site, une toute petite correction de deux lettres a été apportée. Désormais, Jérôme Lejeune n'est plus présenté comme le découvreur de la trisomie 21, mais bien comme co-découvreur. This is a man's world. without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Marthe Gauthier et de sa découverte. J'insiste sur sa découverte, dont nous allons parler avec Isabelle Collet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes informaticienne de formation et sociologue, autrice par ailleurs de l'ouvrage intitulé « Les oubliés », alors EES, hein, du numérique aux éditions Le Passeur, on va en reparler. Vous êtes professeur à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, où vous dirigez l'équipe GRIRE, acronyme de genre, rapport intersectionnel, relations éducatives. Alors, pour être plus concret, hein, vous travaillez principalement sur les questions de genre dans le numérique, donc, mais vous avez aussi travaillé sur ces mêmes questions concernant les sciences en général, et vous formez les enseignants de sciences, donc, et du primaire, pour la question de l'égalité dans l'enseignement des sciences, l'égalité des sexes, je suppose. Alors, Marthe Gauthier nous a quittés en avril dernier. Finalement, elle aura attendu les dernières années de sa vie pour réclamer cette reconnaissance. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, peut-être avec plus d'énergie encore ? Alors, c'est triste, hein ? Ouais, ouais. Oui. Alors, évidemment, ça semble complètement absurde quand on écoute l'histoire telle que vous l'avez racontée, mais... des fois, on se dit, mais pourquoi les femmes ne luttent pas plus? Pourquoi elles disent pas c'est moi? Pourquoi? C'est quand même très pénible, très épuisant de se retrouver en lutte avec des gens capables de vous envoyer des huissiers, même 50 ans plus tard. Donc, il faut pas minimiser le fait que vous vous retrouvez laminé par une machine plus grosse que vous et qu'au bout d'un moment, vous avez envie de reprendre votre vie. Ouais. Alors, la Fondation Le Jeune, dans son argumentaire, disait ceci, je vais vous la lire. Bon, il faut un travail d'équipe, bien sûr. Si Raymond Turpin ne lui avait pas proposé de venir travailler là, si Raymond Turpin ne lui avait pas confié les enfants mongoliens, s'il n'y avait pas eu déjà plein de recherches faites sur lesquelles Jérôme Le Jeune s'est appuyé pour avancer, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, il s'attribue les mérites avec un argumentaire qui est quand même terrible en disant, écoutez, on a, finalement, elle n'est pas reconnaissante. Ça va loin quand même, cette mise à l'écart. Alors, ça va loin, c'est malheureusement banal d'une mise à l'écart d'un certain nombre de femmes dans les sciences. Des exemples qui ressemblent à celui que vous avez raconté, il en existe plusieurs. Il y a, on va dire, du côté des prix Nobel, il y a une longue collection de femmes qui auraient dû avoir le prix Nobel et qui ont été non primées. Alors, soit parce qu'elles se sont fait confisquer leur découverte, vous avez cité Rosalind Franklin tout à l'heure, soit parce qu'on a estimé que c'était de toute façon le directeur de thèse qu'il fallait saluer. Donc ça, c'est le cas de Jocelyne Bell-Burnell, qui a découvert le premier pulsar. Mais c'est son directeur de thèse, et Wish, qui tout seul a obtenu le Nobel. Et là, pourquoi saluer une doctorante alors qu'on a un professeur à qui on peut attribuer le Nobel? Et puis, il y a Liz Meitner. Alors, elle a été quand même citée presque 50 fois pour le Nobel. Pas mal, hein. Je pense qu'elle a peut-être un record de citations, mais elle l'a jamais eu. Alors, elle avait plusieurs défauts. Elle était juive. En 44, elle a fui l'Allemagne, mais c'est Otto Hahn qui a reçu le Nobel pour la fission nucléaire. Alors que dans la communauté scientifique, comme pour Jocelyne Bell, tout le monde savait qui avait participé, qui était absolument déterminante dans la découverte. Mais quel est le postulat de cette déviance quand même? Parce que c'est pas honnête. C'est quoi le postulat? Alors, évidemment, c'est pas honnête. Il y a différents postulats. Il y a une espèce de croyance solide que les femmes n'ont rien à faire dans la fabrication des sciences. Une autre croyance solide qui serait que le fait qu'elles n'en auraient pas la compétence. Et puis, et simplement aussi le fait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur la première place. Donc, au jeu du pouvoir et de la concurrence, eh ben, si vous avez le pouvoir, c'est que vous êtes quand même mieux en place. Oui, mais c'est aussi souvent parce que vous êtes un homme. Alors évidemment, c'est parce que vous êtes un homme et que vous avez le réseau qui va bien. C'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, c'est très clairement des situations hiérarchiques. Alors il y a la hiérarchie entre les hommes et les femmes, mais aussi des hommes qui se sont retrouvés au sein de réseaux scientifiques ou à des positions universitaires ou institutionnelles qui leur ont permis de monter devant. Alors, vous avez travaillé. C'était des hommes. Bah oui, vous avez travaillé sur la place des femmes en informatique, je le disais. Alors, c'est un phénomène intéressant qui a eu lieu dans ce secteur parce qu'au début, la profession était très féminisée. Quand la programmation a commencé à prendre son essor, à s'implanter un peu partout, hein, les hommes ont pris les choses en main. Et enfin, les hommes ont pris les choses en main. Oui, en quelque sorte, par la force. Et la profession s'est totalement masculinisée. D'abord, vous confirmez sur les faits? Alors oui, c'est assez remarquable. Alors quand on dit très féminisé, faut bien regarder le segment de la programmation. C'est-à-dire que dans l'ingénierie, la construction du matériel, qui était une discipline, un champ scientifique qui découlait des champs de l'ingénierie, de l'électronique, etc., il y a toujours eu des hommes. Il y avait des diplômes dans les universités qui permettaient d'être connus. Ça a toujours été très masculin. Par contre, la programmation... on va dire les premières personnes qui ont programmé ont inventé la programmation tout en la faisant. C'était peu reconnu, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de filière de prestige. C'est des mathématiciennes qui ont été nécessairement autodidactes en programmation et pour cause, qui ont commencé à programmer les tout premiers ordinateurs. Il n'y avait pas de prestige, il n'y avait pas de reconnaissance, et puis on avait besoin de petites mains scientifiques, mais petites mains quand même, qui allaient être très peu payées pour programmer ces machines construites par des hommes. C'est là que les femmes sont arrivées, donc dans la programmation. Alors... Oui, continuez, pardon. J'ai dit, et depuis l'origine de la programmation, le premier programme informatique a été écrit sur une machine mécanique à l'époque, au 19e siècle. C'est Ada Lovelace qui a écrit, elle a inventé le concept de boucle, qui quand même en informatique c'est quelque chose de très important, sur une machine mécanique développée par un ingénieur qui s'appelait Charles Babbage. Charles Babbage avait une reconnaissance et méritée, hein, c'était vraiment un grand mathématicien anglais. Ada Lovelace, déjà elle a dû publier son mémoire sous ses initiales, parce que pour une femme c'était indécent de publier sous son nom, c'est-à-dire que tout le monde puisse voir que c'était une femme. Et puis elle n'a jamais tiré vraiment de mérite, si ce n'est dans les cercles fermés de la fabrication des ordinateurs, de cette invention de la boucle. Bien, Isabelle Collet, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer cette discussion après avoir écouté Nick Waterhouse, Monterey. Was France Inter. Affaires sensibles. Isabelle Collet, en direct de Genève, hein, puisque c'est là où vous travaillez, vous êtes chercheuse en sociologie, appliquée questions de genre, on y reviendra d'ailleurs. En plus donc de ces recherches, vous proposez des formations à destination des enseignants en sciences et des enseignants du primaire. C'est intéressant. Les enseignants ont encore de mauvais réflexes sur les questions de genre, justement la place des femmes dans la science et l'histoire de la science. Alors en fait, je forme tous les enseignants primaires, secondaires, et pas que les enseignants de sciences, mais dont les enseignants de sciences, parce qu'en fait, c'est un tout. Et donc, oui, ils ont des mauvais réflexes, mais comme tout le monde, c'est-à-dire, c'est pas un scoop, la société n'a pas encore réalisé l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'école est certainement pas le lieu le plus stéréotypé, le plus discriminant, loin de là. Ah bon? Si on aimerait, hein, on aimerait que dans la famille, dans les médias, dans la vie politique, dans les entreprises, l'égalité soit faite, mais c'est pas le cas. Et l'école est une institution qui a pour mission de faire advenir cette égalité. C'est déjà pas mal d'avoir ça au cœur de sa mission. Alors pourquoi ça marche pas tout à fait? Eh bien, essentiellement parce que les enseignants et les enseignantes sont bien sincèrement convaincus de ne plus faire aucune différence entre les garçons et les filles. Mais malheureusement, alors ils en font, ils et elles en font, en général à leur insu. D'une part parce qu'ils utilisent un matériel pédagogique qui est biaisé et dont ils n'ont pas le temps de scruter tous les contenus et qui n'ont évidemment pas le temps de refabriquer intégralement. Et aussi parce qu'ils n'ont pas été formés à ces questions d'égalité, de pédagogie, de l'égalité entre les filles et les garçons. C'est-à-dire, ils et elles pensent que leur enseignement va être reçu de la même manière par tous les élèves, mais de leur place, les élèves vont les entendre au prisme de leur socialisation qui est différenciée selon qu'ils sont des garçons et des filles. Voilà. Donc c'est là-dessus que je forme enseignants et enseignantes pour attirer leur attention déjà sur le fait qu'ils sont moins égalitaires qu'ils ne le pensent, mais aussi que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire, bien sûr, ils et elles ont les moyens d'enseigner différemment, de bien faire le programme tel qu'il est prévu. La question, elle n'est pas là. C'est pas faire des choses en plus du programme, c'est bien faire le programme, mais en faisant attention que tous et toutes soient capables, l'entendre de la même manière. Vous vous appuyez, par exemple, lors de vos cours, sur l'histoire de Marthe Gauthier? Ça vous arrive? Alors, pas forcément sur l'histoire de Marthe Gauthier, mais je cite des femmes qui ont disparu comme ça, assez curieusement de l'histoire. Alors parfois parce qu'elles ont été juste oubliées, parce que comme c'est les hommes qui ont écrit les encyclopédies, les compilations, l'histoire, ils n'ont pas forcément pensé. Parfois parce que effectivement on leur a piqué leur découverte, comme dans son cas. Et puis aussi des fois simplement parce qu'on imagine que puisqu'aujourd'hui il n'y a pas tellement de femmes dans les sciences, et qu'on pense qu'on est sur une égalité en marche et qu'aujourd'hui on est bien plus égalitaire qu'hier, que s'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est qu'hier il y en avait encore moins. Donc on ne pense même pas à vérifier que par hasard, on ne les oublie pas depuis extrêmement longtemps. Et c'est vrai pour les sciences, mais c'est vrai aussi pour la littérature, c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour le théâtre. En fait, c'est vrai dans absolument tous les domaines. C'est-à-dire que puisqu'aujourd'hui elles ne sont pas là à parité, ça veut dire que c'est même pas la peine de regarder si avant il y en avait. Donc ça veut dire que, par exemple, pour ce qui concerne l'histoire, qui est une science aussi, les femmes ont été oubliées parce que l'histoire a été écrite par des hommes, c'est ça? Alors pour l'histoire, mais je vous dis comme pour la littérature aussi, et puis aussi, ça, tout dépend où on met le focus. C'est-à-dire, par exemple, je vous parlais d'Ada Lovelace tout à l'heure. Alors Ada Lovelace, effectivement, elle n'avait pas un cursus de scientifique aussi classique que Charles Babbage. Évidemment, comme c'était une femme, c'était nettement plus compliqué. Et puis elle avait une autre histoire, c'était la fille de Lord Byron, c'est un personnage romantique, s'attache à d'autres choses. Et donc, quand on se demande, à quoi ressemble une personne scientifique, on s'aperçoit que les femmes ont rarement les habits qui vont bien pour incarner une personne scientifique. Pas la carrière, pas les réseaux, pas la position, pas une longue carrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas financé, que vous êtes happé par des contingences familiales parce que votre compagnon, votre mari ne s'en occupe pas, pour des tas de raisons, elles ne peuvent pas poursuivre leur carrière, c'est nettement plus facile de les oublier. C'est-à-dire que non seulement on n'imagine pas qu'elles soient là, mais en plus elles ne restent pas suffisamment longtemps à des postes suffisamment visibles pour qu'on se souvienne d'elles. Il y a des exceptions quand même, je pense à Pierre et Marie Curie. Il y a l'idée de personne d'oublier Marie Curie, au contraire même. On en parle plus que Pierre. Oui. Quoique, c'est-à-dire dans les dictionnaires, pendant très très longtemps, elle était à l'entrée Pierre Curie. Et pas Marie Curie. Si elle ne savait pas. Si elle a eu le Nobel, c'est bien parce que son mari et Becquerel ont insisté pour qu'elle soit associée, parce que ce n'était pas l'idée de base pour octroyer ce prix. Et là encore, récemment, le Centre Hubertine Auclert, qui a fait une étude sur les manuels scolaires, a montré que dans un des manuels scolaires du lycée, il y avait une photo de Marie Curie devant un appareil électronique, sous-titré « Marie Curie a souvent été associée aux travaux de son mari Pierre ». Ah oui, d'accord. Bon. Donc, en fait, alors, c'est pas déterminé, je veux dire. Il n'y a pas une envie volontaire d'effacer Marie Curie, mais plutôt, on utilise des vieilles légendes, des vieux textes, des vieilles photos de l'époque où Marie Curie avait du mal à exister à côté de son mari. Et même si aujourd'hui, ça nous semble évident, eh ben, même Marie Curie, eh ben, on arrive encore à trouver des façons de minorer ou de la faire disparaître dans son travail. Et puis, son deuxième prix Nobel, parce que mine de rien, Marie Curie, c'est deux prix Nobel. Ça a été compliqué, son deuxième prix Nobel. C'est-à-dire qu'autant c'était une héroïne de la nation jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle avait une aventure avec un homme marié qui était Paul Langevin, et là on lui a conseillé de ne pas aller récupérer son deuxième Nobel à cause du scandale que ça allait déclencher. En sociologie, les questions de genre pour les sciences et plus largement d'ailleurs, le numérique, la littérature, est-ce que c'est une science nouvelle dans la sociologie ? Oh, c'est pas réellement nouveau. Alors évidemment, la sociologie elle-même n'est pas une science qui a 5 ou 6 siècles derrière elle. Enfin, c'est pas comme l'histoire ou la philosophie. Si le terme de genre est relativement nouveau dans le vocabulaire de la recherche, en fait, quand Simone de Beauvoir écrit « On ne naît pas femme, on le devient », bah, c'est bien déjà de ça qu'elle parle. Et puis, si on remonte même à des écrits bien plus anciens, jusqu'au peut-être aux écrits de Christine de Pisan, donc vous voyez, je remonte à la Renaissance, qui explique que c'est pas que les femmes sont sottes, c'est qu'on ne les éduque pas. Globalement, on parlait déjà de genre. Alors peut-être le terme de genre, lui, il arrive plutôt dans les années 90-2000, mais finalement, ce dont il parle, c'est-à-dire que la socialisation différenciée des garçons et des filles produisent des personnes qui ont des intérêts, des aptitudes qui sont elles-mêmes différenciées que là, et qu'il y a des rapports sociaux entre les hommes et les femmes qui hiérarchisent ces aptitudes. Enfin, ça, on sait ça depuis un moment. Alors, pour une dernière question, est-ce que vous diriez qu'on note quand même une évolution positive de la proportion de femmes, et surtout de femmes reconnues dans tous les domaines de l'activité intellectuelle, par exemple? Alors ça, c'est très clair. On note une avancée très nette de la reconnaissance du travail des femmes. Elle est très nette, mais elle est plus ou moins récente, c'est-à-dire... Par exemple, prenons la médecine, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Mmh. La première femme médecin a été brûlée en effigie devant l'école de médecine à Paris. C'était certes à la fin du 19e. Aujourd'hui, les femmes sont majoritaires en médecine. Pour autant, la hiérarchie de la médecine est encore extrêmement masculine et les filières les plus en vue, cardiovasculaire, neurochirurgie, c'est quand même plutôt des hommes. Néanmoins, quand on regarde par exemple le nombre de femmes qui publient, le nombre de femmes qui progressent dans les institutions, on s'aperçoit que depuis ces toutes dernières années, mais vraiment ces toutes dernières années, il y a un vrai progrès et il y a eu le Covid. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps, il y a eu le Covid, on n'a pas le temps d'en parler, parce qu'on arrive vraiment à la toute fin de l'émission, Isabelle Collet. En tout cas, merci infiniment pour vos éclairages précieux. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Marthe Gauthier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselin.